Avant même de naître, il arrive que nous soyons malades. Plusieurs affections touchent ainsi le fœtus et se traduisent par des anomalies. Lorsqu'elles ne sont pas létales, elles peuvent provoquer des handicaps très sévères après la naissance. De tels diagnostics conduisent souvent à des interventions médicales de grossesse, les IMG, pratiquées en France sans limite de terme. Néanmoins, depuis une trentaine d'années, grâce au progrès de l'échographie en particulier, il est possible de dépister un plus grand nombre de pathologies du fœtus, mais aussi de le faire de plus en plus tôt et de pratiquer des interventions chirurgicales et des thérapies pendant la grossesse. Ainsi, en 2014, deux chirurgiens français ont réalisé une opération à utérus ouvert pour traiter une anomalie de la colonne vertébrale d'un fœtus. Malgré de tels exploits, les interventions avant la naissance restent un défi pour la médecine. Thérapie in utero, comment soigner le fœtus? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour aborder les thérapies in utero, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra Benaki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Antoine Béclair et professeur à la faculté de médecine Paris-Sud. Michel Zera, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de neurochirurgie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades et à l'université Paris-Descartes. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors les maladies du fœtus sont heureusement assez rares et elles ne sont donc pas forcément très connues. Quelles sont les principales et leur prévalence, Alexandra Benaki? Alors leur prévalence dépend vraiment de la pathologie. Les principales, c'est le spina bifida, donc une anomalie de fermeture du tube neural. On est autour, Michel, à peu près 1 sur 2000 naissances vivantes. Les hernies de coupole diaphragmatique, donc là aussi à peu près 1 sur 2000. C'est des enfants qui naissent avec un trou dans le diaphragme, qui est la membrane qui sépare les poumons de l'abdomen et qui présente des poumons trop petits parce qu'il y a du tube digestif qui est monté dans le thorax. On a aussi ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé pour les jumeaux qui partagent le même placenta et qui en fait échangent leur sang. Donc là aussi, on peut proposer des traitements. Et puis, il y a plein d'autres malformations, peut-être un peu plus rares, ou des maladies, comme par exemple certaines anémies, où les fœtus présentent des anémies. On peut faire des transfusions, on va en reparler. En accédant au cordon ombilical ou... En accédant directement dans le cordon. Donc ça, sont les anomalies les plus fréquentes, tout en étant heureusement très rare, qu'on peut prendre en charge avant la naissance. Alors ces pathologies mettent les médecins et les parents devant un choix douloureux, l'intervention médicale de grossesse, donc l'IMG dont on dénombre à peu près 1000 à 1200 par an en France, ou bien une thérapie in utero, dont la chirurgie. Quelles sont les opérations chirurgicales qui sont ainsi pratiquées aujourd'hui sur le fœtus, Michel Zera? Comme on l'a dit, les malformations du système nerveux sont les plus fréquentes des malformations du fœtus. Et parmi elles, il y en a qui sont inaccessibles à tout traitement parce que trop graves et constitutives du fœtus. Et il y en a d'autres qui commencent à être accessibles à la chirurgie. La principale, c'est celle dont on a parlé, c'est le spina bifida qu'on appelle nous myélo-méningocèle, mais c'est des termes qui sont complètement équivalents. Et puis, de manière plus rare, il y a aussi certains troubles de la circulation du liquide qu'on a à l'intérieur et autour du cerveau qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, sur lequel on peut, de manière exceptionnelle, faire quelques interventions chirurgicales par endoscopie. Alors, juste pour avoir une idée du spectre des thérapies, quelles sont les autres thérapies utilisées aujourd'hui, Alexandra Benaki, sur le traitement du fœtus? Alors, en fait, il y a les thérapies à chirurgie utérus ouvert, donc qui sont aujourd'hui, il ne reste comme indication que le spina bifida. Il y a les interventions qu'on peut faire avec ce qu'on appelle un fœtoscope, c'est une petite caméra qu'on va mettre dans l'utérus. Donc, on peut poser des ballonnets dans les trachées des enfants qui ont des hernies de coupole diaphragmatique dont on a parlé tout à l'heure. Et on peut faire du laser sur les placentas des enfants qui partagent le même placenta. Ensuite, il y a toutes les interventions qu'on peut faire de façon éco-guidée, c'est-à-dire on sait d'une sonde d'échographie et on peut aller poser des drains, par exemple, dans un thorax d'un bébé qui a du liquide autour du poumon. On sait aller mettre un petit tuyau dans le poumon qui va sortir dans le liquide amniotique et qui va enlever ce liquide et qui va permettre au poumon de se développer. On sait faire aussi des transfusions, simplement avec une aiguille et une sonde d'écho. On va directement dans le cordon ombilical transfuser le bébé qui en a besoin. Et puis, dernier type d'intervention, c'est simplement le traitement médical. Un bébé qui a un cœur qui bat beaucoup trop vite, par exemple ce qu'on appelle une arythmie, une tachycardie, on peut donner à la mère un traitement qui va permettre de traiter le bébé. Donc il y a en gros 4 types d'interventions qu'on peut réaliser, qui vont du très invasif avec l'utérus ouvert à juste un traitement donné à la mère pour traiter le fœtus. Alors Michel Zerra, depuis quand se développent ces thérapies in utero? C'est beaucoup plus vieux qu'on l'imagine. C'est-à-dire que les premiers, on va dire essais, mais en tout cas les premiers enfants qui ont été traités in utero, c'est dans les années 80, où l'idée était déjà là, la technique beaucoup moins, ce qui fait que les premières chirurgies ont tout abouti à des échecs pour le fœtus, un certain nombre d'accidents chez les mères. Ce qui fait qu'il y a eu un moratoire. Donc, au milieu des années 80, on a décidé d'arrêter de travailler, d'essayer d'avancer au niveau de la recherche. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, un essai aux États-Unis, avec deux équipes qui ont décidé de traiter 200 mères dans chaque bras de l'essai, 200 avec une chirurgie in utero, 200 avec la chirurgie conventionnelle après la naissance. C'est un essai qui s'est arrêté en cours de route, près de sa fin, parce que les résultats étaient trop différents au bénéfice de la chirurgie fœtale. Et donc l'essor de la chirurgie fœtale à l'heure actuelle un peu partout dans le monde, c'est depuis le début des années 2010 à peu près. Ça, on a une petite dizaine d'années. Donc il y a de longues racines, mais le développement est récent. Absolument. Est-ce qu'il est lié plus ou moins au développement de l'endoscopie? Oui et non, parce que l'idée première, les premières interventions qui s'étaient faites sous endoscopie. Et un des problèmes de l'endoscopie, c'est qu'on n'avait pas, et on n'a pas encore complètement les outils qui permettent par endoscopie de faire une réparation, qui est une réparation qui est minutieuse et difficile, hein, puisqu'elle se fait comme après la naissance sous microscope opératoire. Et donc à l'heure actuelle, on fait de la chirurgie à utérus ouvert, comme a dit Alexandra, et on prépare la suite qui va être... dans les années qui viennent, la chirurgie par endoscopie. Voilà, on y reviendra. Revenons une seconde sur le choix d'une intervention médicale sur le fœtus. Dans quel cas peut-on faire ce choix? Comment se passe le dialogue avec les parents dans cette situation? Alors déjà, pour proposer ce type de chirurgie, il faut être sûr du diagnostic. Donc vous avez parlé de progrès de l'échographie, donc c'est vrai que maintenant on arrive à faire des diagnostics. Il faut être sûr que le pronostic ne sera pas bon en l'absence de traitement. Donc ces techniques aujourd'hui ne s'adressent qu'à des fœtus porteurs de pathologies sévères, d'où la possibilité dans certains cas de discuter d'interruption médicale de grossesse. Il faut que la technique ait été mise au point sur des modèles, donc soit des modèles, maintenant on a des mannequins qui nous permettent de nous entraîner, soit avant on faisait beaucoup aussi d'interventions chez l'animal. Et il faut que la sécurité de la mère ne soit pas menacée. Donc ça recoupe ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire que les premières interventions, la sécurité de la mère était menacée, donc on ne pouvait pas les faire. Donc une fois qu'on a tous ces prérequis et qu'on peut mettre en place ce type de chirurgie, on discute avec les parents, on leur explique la balance bénéfice-risque, hein, c'est quelque chose qui revient très souvent dans notre discours en prénatal, c'est les bénéfices de la technique versus les risques que l'on prend, certainement, puisqu'on va opérer un enfant qui est dans une poche avec de l'eau et un utérus autour, et donc on va prendre un risque d'accouchement prématuré qui existe, quelle que soit la technique, plus ou moins important, qui était très très important il y a 15 ans, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Et plus on utilise des techniques mini-invasives, moins on a de rupture de la poche des os et d'accouchement prématuré. Donc on explique très bien aux parents, je sais que moi je pose des ballonnets dans les trachées des fœtus qui présentent une hernie de coupole, et j'explique extrêmement bien, le plus clairement possible aux patients quels sont les risques. Certains vont dire, moi je vous suis pas, je préfère interrompre la grossesse, hein, puisqu'en France, on peut avoir recours à l'interruption de grossesse pour une pathologie qu'on considère comme étant de particulière gravité. Voilà, là, on ne parle pas de l'IVG, on parle de l'IMG. D'interruption médicale de grossesse, voilà. Oui. Donc, c'est pour une des pathologies d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Et donc, c'est vrai que, voilà, quand on fait de la chirurgie in utero, on améliore, en tout cas pour le spina et l'hernie de coupole, on améliore le pronostic des enfants, mais on est très clair avec les parents, on ne les guérit pas totalement. Mais on permet d'éviter des séquelles supplémentaires liées à la présence de la pathologie in utero. Globalement, combien d'interventions médicales sur le fœtus sont pratiquées en France par an? Environ 300, si on tient compte de toutes les transfusions. C'est-à-dire que pour le spina bifida, c'est beaucoup moins. Ouais, c'est autour de 5. 5, ouais. Ouais. Et pour les ballonnets dans la trachée, autour de 10-15 par an à peu près. Mais bon, encore sous forme d'essais randomisés, c'est encore dans le cadre de la recherche. Mais... Alors l'une des interventions les plus spectaculaires, on va dire, c'est justement l'intervention sur la spina bifida. Et en juillet 2014, Michel Zerra, vous avez pratiquer une opération particulièrement complexe, cette opération, pour la première fois en France. Et il s'agissait du traitement à utérus ouvert d'un spina bifida. Vous avez opéré avec Jean-Marie Joannick, que Céline Lausanne a rencontré à l'hôpital Armand Trousseau. Bonjour Céline. Bonjour Michel, bonjour à tous. Oui, donc Jean-Marie Joannick, il est gynécologue obstétricien à Armand Trousseau. Il m'a expliqué un peu le déroulement de l'opération. Il s'agissait à l'époque pour ce fœtus de 5 mois de réparer une malformation au niveau de la moelle épinière. Un cas de spina bifida, c'est-à-dire que la dernière vertèbre ne se soude pas très bien au bassin en laissant une ouverture, ce qui endommage la moelle épinière et altère le bon développement du bébé. Alors ce type d'opération reste très délicate et invasive, mais a été un vrai succès car depuis la première opération, il me semble que 11 fœtus souffrant de spina bifida ont pu être soignés. La myéloménagocèle ou spina bifida, qu'est-ce qui se passe dans cette malformation? Vous avez très tôt dans le développement, car tout est joué à la fin de la quatrième semaine de développement de l'embryon, vous avez une ouverture anormale des corps vertébraux en arrière, au niveau de la colonne vertébrale, souvent au bas du dos du fœtus, et au travers de cette ouverture, vous avez une saillie de la moelle et des racines qui vont être exposées à l'environnement utérin, notamment au liquide amniotique. Alors cette malformation a plusieurs conséquences. Tout d'abord, la moelle et les racines nerveuses, elles ne sont plus protégées, donc elles vont tout au long de la gestation progressivement s'abîmer. Les lésions seront définitives, irréversibles, et puis ces lésions, elles rendent compte aussi d'une sorte de caractère toxique du liquide amniotique qui va venir progressivement détruire ces structures nerveuses. Du fait de ces lésions, ces enfants vont naître avec un tableau de paralysie complète des jambes auxquels s'associent des troubles de la commande des sphincters. Un patient qui présente cette malformation et qui a eu les complications cérébrales avec un retard de développement, tout ça va bien sûr mettre beaucoup en cause son autonomie pour toute sa vie. L'intervention qu'on pratique ici est une intervention qui a été développée depuis plus de 15 ans aux États-Unis et au Brésil. Nous pratiquons donc une chirurgie de réparation prénatale dite à ciel ouvert. Nous réalisons une technique qui est proche de celle utilisée pour faire une césarienne, qui nous permet donc d'avoir accès à l'utérus. Et puis ensuite, on va réaliser une petite incision sur le corps de l'utérus, sur environ 5 cm, qui va nous permettre d'avoir accès à la cavité amniotique. Et puis au travers de cette petite fenêtre ouverte sur la cavité amniotique, on va venir exposer le dos du fœtus qui présente la malformation, et ensuite l'équipe de Zera, donc l'équipe des neurochirurgiens, ils sont deux, vont réaliser une réparation, un recouvrement de la moelle et des racines, selon une technique qui finalement est très proche de celles qu'ils utilisent en période néonatale. Alors bien sûr, cette intervention a nécessité beaucoup de temps de préparation. Il a fallu notamment adapter totalement le protocole d'anesthésie pour la maman. Il a fallu adapter le protocole de Toccoli, c'est-à-dire de traitement contre les contractions utérines, car il faut, pour le succès de cette intervention, que le muscle utérin soit le plus relâché possible. Et puis enfin, on complète également l'anesthésie du fœtus en réalisant chez lui une injection d'un produit anesthésique par voie intramusculaire, c'est-à-dire directement chez le fœtus. Alors c'est une méthode invasive. On ouvre le ventre de la mère et on ouvre le dos du bébé pour ressouder. Comment se fait en pratique l'opération? Alors l'intervention dure environ 2h30. Il y a un premier temps qui est un temps qu'on peut qualifier d'obstétrical, c'est-à-dire d'abord de l'utérus et d'abord de la cavité amniotique. Il y a des temps qui sont très importants car l'ennemi numéro un de cette chirurgie est l'accouchement prématuré ou la rupture prématurée des membranes. C'est la raison pour laquelle on va utiliser différentes techniques de suture pour rendre les membranes amniotiques bien adhérentes à l'utérus maternel au moment où on fait cette ouverture au niveau du corps de l'utérus. Quand on a pu exposer la malformation au travers de la petite ouverture, le temps neurochirurgical débute. Donc vous voyez que c'est un travail qui se fait à double équipe. Ce temps neurochirurgical prend environ 30 à 45 minutes. Et puis enfin, on termine par un temps à nouveau obstétrical de fermeture des membranes amniotiques, de fermeture du muscle utérin et bien sûr de fermeture des différents plans. Et donc vous voyez, le temps de passage au bloc pour la maman est environ de 2h30. Alors, à ce jour, nous avons ici à l'hôpital Trousseau opéré 11 fœtus pour une réparation de cette malformation. Nous n'avons pas eu à déplorer de complications maternelles ou fœtales. Et nous avons le bénéfice numéro 1 de cette réparation et la correction de l'anomalie cérébrale. Et donc, je crois qu'on peut dire que pour ces enfants, nous avons obtenu une protection cérébrale. Et en parallèle, nous avons, tout comme c'était le cas dans l'essai américain, observé un bénéfice moteur en termes de niveau lésionnel observé après cette chirurgie. Alors, ce résultat est un grand succès. C'est un succès qui est lié à un travail d'équipe, hein, puisque vous avez compris que ça engage l'expertise de spécialistes de médecine fœtale, l'expertise de neurochirurgiens, l'expertise d'anesthésistes, de pédiatres néonatologistes, de médecins spécialistes de la prise en charge postnatale de ces enfants, de médecins réadaptateurs fonctionnels. Mais il faut que nous puissions, dans un futur proche, j'espère, pouvoir améliorer les techniques pour les rendre moins invasives, notamment par fœtoscopie. Donc voici pour le reportage et donc le témoignage de Jean-Marie Joannic. Une réaction peut-être à ce reportage, Michel Zera. De ce qu'a dit Jean-Marie, il y a une des choses qui est importante, c'est que, comme on vient de dire, c'est une chirurgie qui n'a d'intérêt que si on est sûr de modifier l'évolution d'une maladie. C'est-à-dire si on est sûr que cette maladie s'aggrave avant la naissance. Et que, surtout, le fait de ne pas attendre la naissance de l'enfant lui donne une chance supplémentaire d'avoir un handicap moindre. On n'a pas parlé de guérison, on a parlé de diminution du handicap. On a une fenêtre de traitement qui est assez courte, c'est-à-dire que on traite ces enfants entre la 21e et la 26e semaine de grossesse. On le fait pas avant parce que souvent le diagnostic n'est pas fait avant, c'est souvent un diagnostic de deuxième trimestre de grossesse. Et on sait que si on attend au-delà de la 26e semaine, cette fois-ci, le bénéfice attendu devient inférieur au risque qu'on fait courir à la mère et ce qu'on va procurer au fœtus, qui fait que c'est une intervention qui va se faire dans une fenêtre de traitement assez courte. Alexandra Benacchi, il reste quand même des séquelles de ce type d'opération ? Oui, pour la mère le moins possible, heureusement, et pour le fœtus, oui, c'est-à-dire que ça soit le spina bifida ou la hernie de coupole diaphragmatique, on explique très bien aux parents qu'on va limiter les risques, les séquelles, mais qu'on ne va pas complètement guérir l'enfant. Et pour pouvoir complètement guérir l'enfant, il faudrait pouvoir intervenir au moment de la création de la malformation. Et comme l'a très bien dit Jean-Marie Joannic, pour le tube neural, c'est 4 semaines d'aménorrhée, et pour la hernie de coupole diaphragmatique, c'est 7 ou 8 semaines, donc beaucoup trop tôt avant que nous, on puisse voir les éléments à l'échographie. Et comment vous mesurez cette différence entre ce qui se serait produit sans opération et ce qui résulte de cette intervention Michel Zera. Il y a deux manières. La première, c'est de comparer à l'histoire. Le spina bifida, c'est connu depuis la nuit des temps. On en retrouve des exemples préhistoriques, quasiment. Les Grecs les connaissaient. Il y a eu des magnifiques descriptions des médecins grecs de ces malformations. Et comme c'est des malformations qui ne sont pas mortelles, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas d'un spina bifida, on en garde un handicap fonctionnel et intellectuel majeur, on connaît la vie d'un enfant, puis d'un adulte avec cette malformation, et le handicap fonctionnel et intellectuel. Donc ça, c'est la première manière de savoir, c'est de comparer par rapport à l'histoire, comme souvent en médecine. Et la deuxième manière de savoir, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai essai thérapeutique, où il y a eu un tirage au sort, une comparaison avec un vrai tirage au sort, des échantillons complètement identiques, et sur lequel on a vu le bénéfice partiel, mais réel, de la chirurgie in utero. Alors on parlait de la paralysie des membres inférieurs. Est-ce que, par exemple, ceux qui ont été opérés ont pu ensuite marcher ? Alors, si vous me dites marcher, je vais répondre oui. Si vous me demandez marcher correctement et complètement, je vais répondre non. En fonction de la gravité du myélo-méningocèle, il y a des enfants qui sont complètement paraplégiques, il y a des enfants qui ont des difficultés à marcher. Ce qu'on fait, c'est qu'on améliore le pronostic. Les enfants qui étaient très handicapés deviennent moins handicapés. Les enfants qui avaient un handicap modéré, ceux-là, on les fait marcher. Mais encore une fois, l'idée, c'est on n'est pas capable de refaire marcher tout le monde. Et ce qu'on n'est pas capable de faire jusqu'à maintenant, et qui est un handicap important, c'est les troubles sphinctériens, c'est-à-dire les difficultés urinaires et les difficultés au niveau des selles. La méthode scientifique, Michel Albert Ganti. Vous écoutez donc la méthode scientifique sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui aux thérapies in utero avec nos deux invités, Alexandra Benaki, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair, et Michel Zerra, professeur de neurochirurgie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors, une alternative à cette chirurgie spectaculaire dont on vient de parler, à utérus ouvert, c'est la fœtoscopie qui s'est développée à partir de 1976, donc il y a un certain temps déjà, pour les diagnostics, et dans les années 1990 pour des thérapies sur le placenta et le cordon ombilical. Vous pratiquez vous-même cette fœtoscopie, Alexandra Benaki, pour la prise en charge des hernies de coupole diaphragmatique dont vous nous avez déjà parlé. Alors, en quoi cela consiste concrètement ? Alors, les bébés qui sont porteurs d'une hernie de coupole diaphragmatique ont des poumons qui sont tout petits, ce qu'on appelle hypoplasiques, qui ne se développent pas correctement. Au cours de la vie fœtale, il y a du liquide dans les poumons qui est maintenu à une certaine pression et c'est comme ça que le poumon se développe. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller placer un petit ballonnet dans la trachée de ces fœtus pour permettre aux poumons de grossir. Donc, on ne va pas guérir ces enfants, c'est-à-dire qu'on ne va pas opérer le diaphragme in utero, on ne va pas fermer le diaphragme, mais on va lutter contre l'hypoplasie pulmonaire. Et donc, c'est intéressant ce qu'a dit Michel tout à l'heure, parce que justement, pour les hernies de coupole diaphragmatique, les Américains ont commencé dans les années 90 par ouvrir l'utérus, comme pour le spina, sortir le bébé, le réparer, le remettre dedans. Mais il y avait une telle morbidité maternelle, et en fait, les fœtus... Maternelle aussi. Maternelle également, et les fœtus ne survivaient pas dans de bonnes conditions, parce qu'en fait, toutes les patientes accouchaient très prématurément, parce que l'intervention était longue et difficile. Et donc, il y a eu un essai randomisé, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus faire de thérapie fœtale, évaluer les techniques sans faire des essais avec un groupe contrôle et un groupe à qui on propose de traitement pour justement voir s'il y a un bénéfice ou pas. Et donc, l'essai randomisé sur les hernies de coupole a montré en 97 qu'il ne fallait plus le faire. D'où la technique de fœtoscopie qui est beaucoup moins invasive parce qu'on utilise un fœtoscope qui fait 2,5 mm, c'est tout, et on rentre ce fœtoscope et on va directement sous contrôle écho dans la trachée du fœtus mettre le petit ballonnet qu'on laisse 4 semaines. Donc, la fœtoscopie, c'est finalement un système d'endoscopie équipé d'un instrument chirurgical. Alors, il y a version avec l'instrument et version, oui, version sans instrument. Oui. Justement, pour le spina bifida, quand les équipes vont arriver à faire de la fœtoscopie, il faudra probablement, enfin, je parle sous contrôle de Michel, il faudra probablement la caméra et des instruments pour opérer, parce qu'il faut fermer le trou. Justement, dans la hernie, on a essayé de trouver un système qui ne permettait de ne faire qu'un seul trou dans l'utérus, avec la caméra et le ballonnet qui passe directement dans le trocar de la caméra. Donc l'utérus ouvert, Michel Zerra, ça pose aussi le problème de l'accouchement qui peut être déclenché par cette opération. Comment oui, ça se passe pour l'éviter ? Comme a dit Alexandra, chaque fois qu'on fait une agression sur un utérus ou sur un fœtus, l'accouchement peut se produire prématurément. La manière de l'éviter, c'est d'avoir une chirurgie la plus rapide possible et la moins traumatique, de limiter au maximum l'ouverture au niveau de l'utérus. Et surtout, et ça c'est le travail conjoint, non pas du mien, mais des obstétriciens et des anesthésistes réanimateurs, et puis ensuite des médecins qui vont prendre en charge les femmes après l'accouchement, de faire en sorte que l'utérus soit mis le plus au repos possible pour éviter le déclenchement des contractions et l'accouchement prématuré. En sachant que si on regarde à l'heure actuelle, un enfant avec un myélo-méningocèle né en moyenne à la 27e semaine, un enfant opéré in utero né à la 24e semaine à peu près, et il reste encore 10% des enfants qui sont des grands prématurés, ce qui fait que le risque existe toujours. Et c'est des choses qu'on fait partager aux parents, bien entendu, avant de prendre la décision chirurgicale. Alexandra Benaki. 34. 34 et 37. Heureusement alors, pour nous, n'est-ce pas trop tôt. Comme vous l'avez indiqué, la spina bifida, c'est la dernière opération à utérus ouvert qui est pratiquée aujourd'hui, les autres étant abandonnées, comme vous l'avez indiqué en France, donc Alexandra Benacchi. Ça veut dire que peut-être, j'imagine, que vous envisagez de réaliser cette opération du spina bifida par fœtoscopie au lieu d'une intervention par utérus ouvert. Est-ce le cas, Michel Zera, et quel problème ça pose? Le problème principal, à l'heure actuelle, la chirurgie consiste à faire la même intervention qu'après la naissance, c'est-à-dire aller sur la moelle épinière, arriver à libérer, puis suturer, recoudre la moelle épinière et la remettre à l'intérieur de la colonne vertébrale et d'être capable de tout refermer par-dessus. On sait le faire à utérus ouvert, on n'est pas capable de faire cette technique par endoscopie. On n'est pas capable parce que on n'a pas les outils. Il y a des gens qui ont parlé de robotique, mais quand on voit les outils des robots chirurgicaux à l'heure actuelle, ils sont beaucoup, beaucoup trop gros encore pour faire cette chirurgie-là. Il y a des problèmes de biomatériaux, c'est-à-dire qu'on aurait besoin de colles qui puissent coller dans le liquide amniotique, par exemple, ou qui puissent coller sur la peau, ce qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. Donc tout ça, nous travaillons, il y a d'autres équipes qui travaillent là-dessus, on est tout au début et probablement ça va arriver dans les 5 années qui viennent, probablement on aura basculé de la chirurgie in utero à la chirurgie endoscopique. 5 ans, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas très loin. Et la colle, il paraît que vous travaillez sur des colles issues du monde animal. Oui, il y a bien entendu. Oui, on travaille sur des colles issues du monde animal, et même on va retourner dans le liquide hein, de certaines colles qui sont issues des poissons, qui sont issues des moules, paraît-il. Des moules, oui. Alors, ces opérations, Alexandra Benacchi, il faut sans doute parler un petit peu de l'échographie qui a joué un rôle important dans le développement de l'ensemble de ce dont on parle aujourd'hui. Donc l'échographie d'abord nous a permis de mieux faire les diagnostics, de les faire plus tôt. On sait maintenant évaluer les pronostics de ces malformations parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait proposer ces traitements qu'aux enfants qui avaient une malformation de mauvais pronostic parce que sinon surtout il ne faut rien faire parce que comme on sait qu'on risque d'induire un accouchement prématuré, il faut surtout les laisser tranquilles quand le pronostic est bon. Et donc l'échographie nous a permis aussi de faire ce qu'on appelle des gestes éco-guidés. C'est-à-dire que les médecins de médecine fœtale savent, sous contrôle échographique, aller faire des gestes qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Je vous rappelle que les premières amniosynthèses étaient faites sans échographie. On piquait juste le ventre des mères pour récupérer du liquide sans savoir ce qu'il y avait en dessous. Aujourd'hui, c'est absolument inenvisageable. Dès qu'on fait un geste in utero, on se guide à l'échographie. Et les échographes sont de plus en plus performants et nous permettent de voir de plus en plus de choses. Alors il y a ces opérations par fœtoscopie et il y a également des opérations qui ne font pas appel à cette technologie comme la pose de drain dans le thorax ou la vessie. Exactement. Alors la pose de drain dans le thorax, c'est une technique qui est clairement démontrée comme étant indispensable à la survie d'enfants qui ont du liquide dans le thorax ou des grosses malformations pulmonaires qui s'appellent les malformations adénomatoïdes kystiques du poumon. C'est des grosses bulles dans le poumon. On sait que si on arrive à poser un drain dans de bonnes conditions et qu'il fonctionne, on va sauver la vie de ces enfants. Et là, clairement, ça a été parfaitement démontré. Pour la vessie, c'est plus compliqué. Il y a un essai randomisé, c'est-à-dire un essai, comme on a dit tout à l'heure, avec des témoins et des enfants qui ont eu le traitement, des fœtus qui ont eu le traitement, qui a montré que le bénéfice n'était peut-être pas majeur. C'est des malformations. En général, on pose des drains dans les vessies quand le petit tuyau, en général chez les petits garçons, de la vessie à la sortie est bouché, ce qu'on appelle les valves de l'urètre postérieure. Et très probablement, quand on le voit déjà à l'échographie, on arrive trop tard et les reins de ces bébés sont déjà abîmés. Donc il faut vraiment faire le diagnostic, enfin le voir à l'écho très précocement, et parfois il n'y a pas de signes qui nous permettent de le voir. Et pour l'instant, c'est encore assez éthiquement discutable de réaliser ce type d'intervention. Alors, peut-être revenir un petit peu sur le terrible choix qui est proposé aux parents. Michel Zera, vous nous avez bien expliqué les différentes séquelles qui peuvent subsister après cette opération du spina bifida. Comment réagissent les parents? Et peut-être la question s'adresse à tous les deux. Comment, statistiquement, en fait, prennent-ils une décision? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on vient de dire que c'est des traitements d'exception. C'est-à-dire que la première fois qu'on annonce la malformation aux parents, on va pas leur dire il y a de la chirurgie fœtale possible. Comme on a dit tout à l'heure, la possibilité d'interrompre la grossesse, même extrêmement tard, est possible en France, ce qui fait que la première décision des parents, finalement, ça va être d'être en phase de nous désirons interrompre cette grossesse pour des raisons qui sont toujours personnelles et qui sont toujours extrêmement difficiles, ou on a bien entendu, on a bien compris la gravité de la malformation et on désire, malgré tout, poursuivre la grossesse, accueillir l'enfant. Et c'est seulement une fois que ce premier choix est fait qu'il va y avoir la présentation de la possibilité, en gardant les choses de manière exceptionnelle. C'est pas trois choses au même niveau, c'est il y a deux choses, il y a une alternative entre les deux. Et puis, quelque part, en cas de désir de poursuivre la grossesse des parents, la possibilité de cette chirurgie fœtale. Donc vous ne le proposez pas aux parents initialement. Ce qui se passe en général, c'est que le diagnostic est supposé, puis ensuite il y a des centres de référence qui vont confirmer le diagnostic, et puis ensuite il y a un spécialiste, on appelle ça un spécialiste d'organes, donc à mon niveau le système nerveux, qui va voir les parents, qui va reprendre les choses, qui va aller le plus au fond possible sur la description de la maladie, la description des conséquences et les moyens de traitement. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois que les parents ont déjà fait un pré-choix, qu'on va commencer à proposer cette chirurgie fœtale. Alexandra Benacchi. Je crois que c'est important de dire que la chirurgie fœtale n'est pas une alternative à l'IMG. C'est-à-dire, tu l'as bien dit, c'est vraiment un choix. Il y a les parents qui ne souhaitent pas réaliser une interruption médicale de grossesse pour des raisons qui les regardent et qui ont souvent un lien avec leur passé, leur culture. Et c'est vraiment le choix qu'ils font de poursuivre. Et effectivement, soit ils vont vouloir aller jusqu'au bout de ce qui est possible et d'offrir à leur enfant, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la chirurgie, parce que c'est quand même pour les mères, je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est quand même difficile pour les mères. Et puis il y a les couples pour lesquels c'est juste pas possible d'accueillir un enfant avec un handicap. Et du coup, ils vont plus s'orienter vers l'interruption médicale de grossesse, puisque dans ces cas-là, on a le droit de le faire dans notre pays. Mais ce n'est pas nous qui proposons, c'est le couple qui demande l'interruption de grossesse. Nous, on propose le traitement chirurgical. Effectivement, on les informe, on donne toutes les informations, mais l'un n'est pas une alternative à l'autre. D'accord. Mais pour ce qui est de la santé de la mère, quelle est aujourd'hui la situation face à ces interventions chirurgicales, Michel Zerin ? Je vais revenir sur ce que vient de dire Alexandra, oui. Parce qu'on a l'habitude, et c'est ce qu'on a fait depuis le début de la discussion, de parler de chirurgie fœtale. En fait, quand on fait cette chirurgie, on fait de la chirurgie materno-fœtale. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on commence par opérer la mère avant d'opérer le fœtus. Et que donc, quelle que soit la manière dont on minimise les risques, la mère va accepter de prendre des risques personnels pour traiter son enfant. Et donc, d'où la responsabilité qu'on a lors de la proposition et dans la certitude d'aller le plus au fond possible dans la décision des parents. Et par exemple, on a une règle absolue, c'est de laisser aux parents une semaine de réflexion en les accueillant, en rediscutant avec eux, avant d'en arriver à l'intervention. C'est pas une intervention qu'on fait le lendemain ou le surlendemain d'un diagnostic. Donc vous laissez effectivement le choix aux parents. Ça veut dire que les chances de succès pour la mère, c'est-à-dire de ne pas être affectée par l'opération, sont très élevées. Elles sont quand même pas à 100%. Donc comment vous le présentez ça, Alexandra Benacchi ? Toujours en ayant une information la plus loyale possible. Les risques pour la mère quand il y a une chirurgie à utérus ouvert sont d'abord les risques de l'anesthésie générale, puisque c'est une intervention qu'on doit encore réaliser sous anesthésie générale, parce que, comme l'a dit Michel tout à l'heure, l'utérus doit être parfaitement souple et donc on n'a pas d'autre choix. Et en revanche, quand on fait d'autres interventions par fœtoscopie, on peut faire une péridurale. Donc, les risques ne sont pas complètement les mêmes, mais on informe la patiente. Le risque, je dirais, peut-être principal, parce que les anesthésistes qui sont avec vous à Trousseau sont absolument remarquables. Ils ont mis en place un protocole qui est vraiment presque mieux que ceux qu'avaient développé les Américains. Mais le risque aussi pour la patiente, c'est pas un risque, mais donc la conséquence première, c'est d'avoir une césarienne pour l'accouchement et pour toutes les grossesses futures. C'est-à-dire que c'est le risque principal, c'est d'avoir un utérus qu'on appelle cicatriciel, ce qui n'est pas le cas des patientes qui auront simplement une fœtoscopie, qui, elles, peuvent accoucher par voie basse. Mais moi, je suis toujours frappée, y compris même pour la fœtoscopie, hein, puisque pour les ballonnets, il faut mettre le ballon puis le retirer. Donc, c'est quand même deux interventions sous péridurale de ce que les patientes acceptent pour donner une chance supplémentaire à leur enfant. Enfin, c'est plus que remarquable. Michel Zerra, je posais la question tout à l'heure de la part des parents qui choisissent une voie plutôt que l'autre. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour parler de statistiques à ce niveau-là ? Alors, on a du recul, on a des statistiques, et ce qui est important et intéressant, c'est de voir que les choses changent dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que si vous, en France, à l'heure actuelle, 90% des parents décident d'interrompre la grossesse quand le diagnostic de myélo-méningocèle est fait. Pardon ? 90%. Si vous regardez aux États-Unis, c'est 25%. Si vous regardez la moyenne européenne, parce qu'on a des statistiques extrêmement précises en Europe, c'est 70%. Donc il y a déjà, selon le milieu dans lequel on vit, selon son éducation, selon sa culture, selon sa religion, on a un comportement différent face à la maladie et face à cette thérapie. Il y a aussi une différence dans le temps. Si on regarde ce qui se passe en France, pour vous donner un exemple, il y a 10 ans, deux enfants étaient nés, et on a opéré ces deux enfants aux enfants malades, ce qui représente toute la région de France, d'un myélo-méningocèle. L'année dernière, on en a opéré 20. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des changements qui sont éthiques, culturels, religieux, qui font qu'à l'heure actuelle en France, il y a une modification du comportement et des décisions vis-à-vis des malformations graves. C'est pas simplement vrai pour les myélo-méningocèles, avec des parents qui ont souvent le désir de poursuivre la grossesse et d'accepter ses enfants. Et de là, notre responsabilité, à partir du moment où les choses ont changé, de leur proposer des choses qui soient le moins agressives, le plus en sécurité, mais aussi le plus efficace pour le traitement de leurs enfants. Mais en fonction du diagnostic, est-ce que vous pouvez annoncer aux parents un degré d'invalidité ou de handicap ? Oui, en fonction, pour plusieurs raisons. D'une part, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de la hauteur de la vertèbre malade, les choses sont plus ou moins graves. Il y a aussi, on en a peu parlé, mais le myélo-méningocèle retentit sur le cerveau de ces enfants. Tous ces enfants ont une IRM avant de prendre la décision définitive, parce que des enfants ont des atteintes cérébrales telles que le risque n'est pas raisonnable par rapport aux bénéfices. On vérifie qu'ils n'ont pas d'anomalie chromosomique également, on vérifie qu'il n'y a pas d'autres malformations, puisque toute chose surajoutée au myélo-méningocèle va faire contre-indiquer cette chirurgie fœtale. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Through the water and through the flames, my baby left me without a trace. She took my money and left the ring, and she didn't leave one clue of where she was going to. Well, my baby up and left me alone. She signed goodbye on the letter that she wrote. Oh, my baby up and left me now. Ooh. I miss the therapy, man, I need to ask you, how can I soul, and that was exactly what she stole from me. Oh, my baby up and left me alone. Yeah. She signed goodbye on the letter that she wrote. So my baby up and left me now. Ask you, how can I live on, live on. Mister Thérapie-Man par Justine Nozuka à 16h39 sur France Culture, où nous parlons aujourd'hui de thérapie in utero, c'est-à-dire de soins du fœtus pendant la grossesse, avec Alexandra Benaki, chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Antoine Béclair, et Michel Zera, professeur de neurochirurgie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors peut-être un mot sur la douleur dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Est-ce que on est certain que le fœtus ne la ressent pas? La mère, on imagine que avec l'anesthésie générale, il n'y a pas ce problème. Est-ce que c'est également le cas pour le fœtus, Alexandra Benaki? Alors, on est sûr que le fœtus sent la douleur. On est sûr qu'un fœtus, à partir de 20 semaines d'aménorrhée, même probablement un petit peu plus tôt, ressent parfaitement la douleur. Quand, par hasard, on le touche avec une aiguille, on voit qu'il bouge. Il y a des très beaux travaux faits par le professeur Véronique Houflin de Barge à Lille, à Jeanne de Flandre à Lille, qui a très bien montré que les fœtus sentaient. Et donc, c'est absolument indispensable de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils ne sentent pas. Et quel que soit le type de chirurgie, on a l'habitude, avant de commencer le geste, soit directement dans le cordon ombilical quand il est accessible, soit par une petite piqûre qu'on fait dans la cuisse du bébé, d'injecter un produit pour pas qu'il ait mal et pour pas qu'il bouge. Mais on est sûr et certain qu'il ressent, et donc c'est très important de prêter attention à cette douleur et à faire en sorte qu'il ne ressente pas ce qu'on va lui faire. Alors un mot sur la prévention, très chère à Michel Zera, et qui dans ce cas précis, alors que souvent la prévention ce sont des mesures lourdes qui donnent des résultats pas forcément spectaculaires, dans ce cas de la spina bifida, c'est tout à fait différent, Michel Zera. Alors comment pratiquer la prévention dans ce cas-là? Alors, on n'est pas capable de savoir ce qui crée le myélo-méningocèle. On est capable, par contre, on sait depuis une quarantaine d'années comment diminuer au maximum ces possibilités d'apparition. C'est une histoire qui ressemble à l'histoire des sciences, c'est-à-dire que tout a commencé par une personne qui a crié dans le désert, qui s'appelait Richard Smissel, qui était un médecin anglais dans un petit dispensaire à Liverpool, qui s'est rendu compte que dans la population des familles qui traitaient, il y avait plus de myélo-méningocèle dans les familles qui étaient en carence alimentaire et qui étaient pauvres. Il a commencé à réfléchir, il a écrit, c'était au début des années 60, il a dit « je pense qu'il faut leur donner des vitamines » et puis il a affiné les choses jusqu'à trouver la vitamine B9. Et pendant 20 ans, il a écrit au Lancet un certain nombre de journaux médicaux en disant « allez-y, c'est ça, je suis sûr que c'est ça ». Et comme d'habitude, comme pour Wegener, comme pour Semmelweis, tout le monde s'est moqué de lui pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, il y a eu un vrai essai thérapeutique qui a comparé deux groupes. Un groupe traité avec certaines vitamines et un groupe traité avec la vitamine B9 qu'on appelle l'acide folique. L'acide folique et la vitamine B9, c'est la même chose. Et on s'est aperçu qu'on diminuait de 70% la fréquence du myélo-méningocèle chez les femmes qui avaient pris de la vitamine B9. Il y a eu ensuite plusieurs gros essais, dont un essai hongrois qui était fait sur plusieurs milliers de femmes qui a confirmé les choses. Et donc maintenant, il est clair que la prise de vitamine B9 diminue de 70% la fréquence d'apparition de ce myélo-méningocèle. Il y a une contrainte, c'est qu'il faut commencer ce traitement avant la conception. C'est la définition pure de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut démarrer au moins un mois avant le début de la grossesse. Ce qui veut dire qu'en cas de début de grossesse, en cas de désir de grossesse, en cas d'arrêt de contraception, il faut démarrer cette prise d'acide folique. Et ensuite, il faut la continuer pendant au moins le premier mois, et on dit les deux premiers mois qui suivent la grossesse. Et sous réserve de ce traitement bien conduit, c'est un comprimé, ça coûte quelques centimes par jour, on va diminuer de 70% la fréquence de ces myélo-méningocèles. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, à tel point que certains pays ont décidé d'enrichir l'alimentation. Par exemple, mes collègues brésiliens ont fait ça, ils ont rajouté de l'acide folique dans la farine de manioc. En un an, le taux de myélo-méningocèle dans le nord-est au Brésil a chuté. Tout le monde le fait, pratiquement dans le monde, sauf la France, où on est extrêmement en retard dans cette prévention, puisque on l'enseigne pas à l'école. C'est pas des choses qu'on fait systématiquement lors de consultations de gynécologie. Et donc, on a un retard monstrueux en France sur la... Et d'ailleurs, on est le pays d'Europe qui a la plus grande fréquence de myélo-méningocèle à cause de cette carence de prévention. Alexandra Benaki, ça paraît incroyable. Alors oui, ça l'est. Il y a quand même, grâce à des gens comme Michel, les choses bougent un peu. Mais en fait, il faut surtout prévenir les jeunes femmes. C'est-à-dire que je pense que ça devrait être dit à l'école, ça devrait être dit dans les universités. Et il faut donner l'information à tous les médecins qui voient les patientes avant la conception. Et c'est surtout les généralistes, un peu les gynécologues et un peu les sages-femmes. Mais c'est surtout les généralistes qui suivent les patientes Et on devrait donner l'information, mais moi j'irai plus loin. Je pense même qu'il faut donner l'info à l'école, comme on fait de la prévention pour d'autres choses. Comme font les Anglais, par exemple. On pourrait le prescrire aussi, quasi automatiquement, aux femmes qui prennent la pilule, qu'elles aient une boîte prête en cas d'arrêt, pour pouvoir anticiper cette question avant la conception. Surtout l'information. Je pense qu'il faut informer, et on a encore du travail. Et ça, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher d'informer. Non. Normalement, ça devrait se faire facilement. Donc, on reste surpris, quoi, par cette exception française que l'on ignorait peut-être. On a généralement une carence dans la prévention en France. Oui, c'est vrai que c'est pas la seule domaine. C'est pas spécifique à cette pathologie-là. Alors, pour terminer cette émission, peut-être un petit éclairage sur l'avenir et sur les perspectives de traitement des fœtus in utero. On a parlé de la fœtoscopie pour la spina bifida, qui pourrait être effectivement un progrès considérable. On parle aussi de thérapie génique, et là on est surpris que la thérapie génique puisse concerner des fœtus. Michel Zerra, en quoi cela consiste ? En quoi cela consiste? Personne ne sait encore à l'arrivée en quoi ça consiste. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Le principe de base de la thérapie génique, c'est d'une manière ou d'une autre de pouvoir changer le génome pour pallier à quelque chose. Alors, ça peut être du remplacement, ça peut être de provoquer la sécrétion d'une protéine particulière. Il y a des nouvelles techniques qui permettent d'utiliser certains vecteurs viraux. Il y a des techniques qui permettent de modifier l'ADN en elle-même. Mais ça pose plusieurs choses. Ça pose la question d'être capable de le faire techniquement, d'être certain de la sécurité de ce qu'on fait, parce que alors que la plupart des thérapies géniques qu'on utilise actuellement changent des cellules somatiques, là on va aller beaucoup plus loin dans la modification de l'embryon et donc du futur être humain. Donc les problèmes, comme d'habitude, vont surtout probablement être plus vite éthiques que techniques. Voilà. Techniques, on y arrivera toujours. Alors, vous êtes aux premières loges, vous avez la chance de travailler à l'hôpital Necker, où se trouve Alain Fischer, qu'on avait reçu il y a un certain temps, et qui donc a développé, lui, la thérapie génique pour les adultes, enfin pour les enfants, déjà les enfants, les fameux enfants bulles, privés d'un système immunitaire, et il a rencontré des succès dans ce domaine, Michel Zerra. Mm-hmm. Oui. Donc, est-ce qu'il travaille aussi oui, avec vous et, sur... et bien entendu, il y a eu ensuite ce qu'a fait Mariana... sur la drépanocytose. On a nous-mêmes fait 3 essais de thérapie génique dans le cerveau des enfants, mais des enfants en post-natal. Donc ça fait partie des grandes voies de recherche, ça fait partie des choses qui se développent. Mais je pense, et Alexandra va répondre aussi, je pense que c'est prématuré de donner des espoirs, en tout cas, sur cette thérapie génique anténatale. Oui, Alexandra Benaki, et peut-être un mot aussi sur la question éthique qui peut être associée à ces projets. Alors, on est loin de pouvoir le faire, mais pour pouvoir le faire, il faut développer la recherche. Et on a un problème en France, c'est la loi qui régit la recherche sur les embryons. On a une loi extrêmement restrictive, donc on est en plein dans les états généraux de la bioéthique, donc je mets un peu les pieds dans le plat. C'est le moment. Voilà, pour pouvoir être au niveau, avoir une recherche de bon niveau et être à même de concurrencer d'autres équipes internationales, il faut assouplir les lois de la recherche sur l'embryon en France, parce que sinon on va pas pouvoir avancer dans notre pays. Alors évidemment que nous, on aimerait pouvoir, avec une petite aiguille, injecter un vecteur dans un cordon ombilical pour pouvoir guérir les enfants. Il y a eu des cas rapportés qui sont pour l'instant absolument exceptionnels, et ça va effectivement poser des tas de problèmes éthiques, mais peut-être que dans l'avenir on pourra le faire. Ça a été fait dans Alors le monde. Ça a été fait, mais c'est vraiment très anecdotique, en particulier pour des déficits immunitaires. Il y a quelques cas rapportés, mais c'est vraiment des pathologies très spécifiques, absolument rarissimes, et donc pour l'instant c'est absolument pas fait en pratique clinique. Alors, une autre, peut-être, méthode, c'est le diagnostic pré-implantatoire pour ce qui concerne effectivement l'implantation. Est-ce que cela aussi, là, une intervention est possible avant la naissance, évidemment? Alors, c'est même avant de pouvoir implanter même l'embryon. Et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit de toucher aux embryons, ou alors... avec une réglementation qui est tellement lourde que les choses n'avancent pas. Et le DPI existe. Alors le DPI existe, mais le DPI permet de prévenir les pathologies en ne réimplantant des embryons sains. C'est-à-dire qu'on fait l'analyse de l'embryon. S'il est porteur d'une maladie génétique, on ne l'implante pas. Donc en fait, on évite une grossesse avec un enfant atteint, mais on ne guérit pas. On détruit les embryons porteurs de l'anomalie génétique ou chromosomique. C'est une autre façon de pratiquer la prévention, Michel Zerra. Oui. Moi, je préfère la mienne, mais... Oui, non, c'est pas très satisfaisant. B9, oui. Qui pose moins de problèmes éthiques, probablement, à terme, absolument, que le fameux DPI. Est-ce que on parle aussi des cellules souches? Est-ce que c'est une autre piste prometteuse ou pas, Michel Zera? Alors, prometteuse peut-être. Pour le spina bifida, il y a des gens, en particulier dans l'équipe de Jean-Marie Joigny, qui travaillent sur les cellules souches. L'idée est de réparer cette fois-ci en injectant des cellules souches qui vont aller... on va dire colmater la brèche pour faire extrêmement simple. Donc fermer la colonne vertébrale. Pour fermer l'ouverture, pour fermer la colonne vertébrale. Alors on est tout au début, il y a quelques espoirs chez l'animal, ça pose aussi un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a un article qui est sorti il y a quelques jours qui montre que même en injectant des cellules souches dans le liquide amniotique, on en retrouve à peu près partout chez l'embryon. Donc là encore, on n'est pas complètement certain de savoir ce qu'on fait, donc on avance. On y va, mais c'est encore un tout petit peu prématuré également. D'autres pistes de recherche, Alexandra Benacchi, peut-être en dehors de la chirurgie? Certains traitements, très probablement. Comment délivrer le traitement directement dans le placenta, ça on pourrait y arriver. Mais je crois surtout qu'on va améliorer la chirurgie en ayant des instruments qui soient plus adaptés. Certains patients, par exemple les fœtus, ont des anomalies du cœur et on va pouvoir les traiter in utero. Mais pour ça, il faut qu'on ait du matériel qui soit beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Et ça, pour l'instant, on n'a pas ça dans notre arsenal thérapeutique. Avec les défauts de valve du cœur. Voilà, donc ça, on peut faire certaines choses, mais avec un pronostic qui n'est pas bon du tout. Et si on avait du matériel plus fin, plus petit, on y arriverait mieux. Il est maintenant l'heure de notre rubrique du mercredi, la recherche montre en main, où il s'agit de présenter une thèse en 4 minutes. Aujourd'hui, nous recevons Sonia Abdallah, qui est en deuxième année de thèse au laboratoire de développement des gonades à l'école doctorale Biosorbonne Paris-Cité. Sonia Abdallah, bonjour. Bonjour. Le titre de votre thèse est « Caractérisation des effets d'une exposition fœtale aux analogues du bisphénol A sur le développement des cellules sexuelles femelles ». Je vous donne la parole pour 4 minutes donc. Donc, au cours des dernières décennies, les problèmes liés à la fonction de reproduction se font de plus en plus fréquents et préoccupants. Savez-vous qu'un jeune homme d'aujourd'hui produit la moitié des spermatozoïdes que produisait son grand-père à son âge? De la même façon, les consultations des couples pour difficultés à concevoir augmentent de plus en plus et dans la moitié des cas, les causes sont d'origine féminine. Différents arguments scientifiques suggèrent que ces problèmes sont la conséquence de notre exposition constante aux polluants environnementaux et en particulier aux perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une molécule qui possède une analogie structurale avec nos hormones endogènes et qui est capable de mimer, voire bloquer son action au sein de l'organisme. Parmi la liste des perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes exposés constamment, qui n'a pas entendu parler du bisphénol A ? Les études scientifiques ont démontré l'effet néfaste du BPA sur l'organisme en général et sur la reproduction en particulier, si bien qu'en janvier 2015, son utilisation dans les contenants alimentaires a été interdite en France et cet été, cela a été fait au sein de l'Europe. C'est pourquoi les industriels ont dû trouver d'autres molécules analogues qui peuvent le remplacer dans les contenants alimentaires. Le problème, c'est que très peu de données existent quant aux effets de ces nouvelles molécules sur la reproduction. Et c'est pourquoi mon projet de thèse vise à caractériser les effets de ces analogues du BPA sur les cellules sexuelles femelles appelées ovocytes pendant la vie fœtale. Pourquoi cibler la vie fœtale ? Eh bien, c'est parce que non seulement c'est une période sensible au cours de laquelle s'effectue la mise en place des fonctions reproductives, mais aussi parce que c'est durant cette période que se met en place le stock définitif et non renouvelable de cellules sexuelles femelles. Ceci signifie que si un événement est perturbé pendant la vie fœtale, cela va se répercuter non seulement à l'individu à son âge adulte, mais aussi sur les générations suivantes. Pour effectuer nos expériences, nous avons donc choisi d'utiliser le modèle souris et des souris gestantes ont été exposées à différents bisphénols pendant la période de gestation. Nos résultats indiquent que l'exposition aux analogues du BPA induit premièrement une baisse du stock de cellules sexuelles à l'âge adulte, baisse associée à une diminution de la fertilité féminine. De plus, nous avons quantifié le nombre de chromosomes dans les ovocytes à l'âge adulte et nous avons remarqué que l'exposition pendant la vie fœtale favorise la formation d'ovocytes avec un chromosome en plus ou en moins, ce qu'on qualifie d'aneuploïdie chromosomique. Dans le cas où une fécondation aurait lieu, ces ovocytes aneuploïdes vont donner des individus souffrant de trisomie ou de monosomie. De plus, nous avons démontré que ces analogues induisent des lésions au niveau de la macromolécule de l'ADN qui porte toute notre information génétique. La question qui se pose pour la suite de ma recherche est de savoir comment ces lésions de l'ADN vont-elles évoluer. Est-ce qu'elles seront à l'origine de mutations génétiques et donc probablement de pathologies? Est-ce qu'elles seront réparées ou au contraire seront-elles à l'origine de la mort des ovocytes et donc expliquant de manière indirecte la baisse du stock de cellules sexuelles que nous avons observées? Beaucoup de questions auxquelles nous tenterons de répondre par la suite. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que certains de ces analogues proposés en remplacement du BPA ne sont pas moins nocifs, bien au contraire. Il faut donc redoubler d'attention lorsque nous faisons nos courses au supermarché et être conscient des risques. Merci beaucoup Sonia Abdallah. Une réaction quand même, on parle de fœtus, on parle d'influence sur le développement fœtal des cellules sexuelles femelles. Est-ce que vous avez une réaction, Alexandra Benaki? C'est pas très rassurant. Bon, déjà, c'est absolument passionnant, bravo, mais c'est vrai que c'est pas très rassurant. Peut-être juste quand même, ces ovocytes aneuploïdes, on peut peut-être imaginer quand même que les embryons ne survivront pas. Et donc, ce qui va aussi peut-être éventuellement arriver, c'est qu'on va avoir plus de fausses couches spontanées. C'est ça, c'est exactement donc, ça. Donc ça, il faudrait aussi être extrêmement vigilant. Enfin, c'est pas très rassurant, votre affaire. Michel Zera. C'est un problème silencieux, parce qu'on n'en a pas parlé pendant très longtemps. Et qu'on n'a pas vu changer autour de nous. Par exemple, si vous prenez les carnets de santé des petits-enfants, il y a la nouvelle édition du carnet de santé qu'on vient de faire, on a changé toutes les mensurations. Et c'est-à-dire que la taille des enfants a changé. Si vous achetiez du 3 mois pour votre bébé il y a 10 ans, et que vous rachetiez du 3 mois maintenant, le 3 mois de maintenant, c'était du 6 mois d'il y a 10 ans. Et le périmètre crânien a changé, la taille des enfants a changé, le poids des enfants a changé, la pilosité a changé. Donc on est entouré de ce qu'on a fait au cours de ces 20 dernières années, quasiment sans s'en apercevoir. Donc c'est un travail fondamental et important. Et vous pensez que l'influence de substances comme le bisphénol ou ces similaires peut jouer un rôle dans ces domaines? Moi j'en suis convaincu, et le rôle des scientifiques c'est de le montrer. Alexandra Benaki, vous pensez également que la science doit prendre le relais et appuyer peut-être certaines réglementations dans l'avenir proche? Absolument. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus affoler tout le monde et que, après vous avoir écouté, les mamans ne jettent pas tous les nouveaux biberons qu'elles ont achetés. Je pense que quand même, il faut vivre avec son temps. Alors c'est vrai, quand on voit les courbes de croissance, on se dit « waouh, il se passe quelque chose », mais c'est peut-être aussi l'évolution normale de l'espèce humaine. Mais c'est sûr que des travaux comme le vôtre sont extrêmement importants. Il faut diversifier. Il faut diversifier. Merci beaucoup à nos deux invités, Alexandra Benaki et Michel Zera, d'avoir participé à cette émission. Grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozène, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Sarah Hijman. Et bien entendu, Elisabeth Miro à la réalisation avec Audrey Guélil à la technique. Rendez-vous demain dans la méthode scientifique où nous parlerons d'histoire des sciences avec l'arcate. La cartographie, cette technique qui nous fournit une vision du monde qui a fortement varié au cours du temps en fonction des instruments et des méthodes utilisées. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Du Grain à Moudre à 18h20 sur le thème « L'accès à l'information est-il de plus en plus verrouillé ?» À 17h, la LSD, la série documentaire, est consacrée cette semaine au thème aujourd'hui traiter les traitements, c'est-à-dire le thème c'est la création et le sida.